préférée. À mon père, ma copine ou à mon amant préféré. Cinquième jour de vacances, déjà mes premières cartes. J'avais beaucoup trop taffé, il a vraiment fallu que je parte. À mon père, mes frères et surtout à ma mère, je suis bien arrivée et je vais chaque jour à la mer. L'hôtel et ses délices, tout ça est magnifique. La chambre de Cendrillon était beaucoup moins féerique. Les paysages, les belles plages, chaque recoin. J'ai envie d'en profiter, je ne veux pas aller plus loin. Dommage que vous soyez restés, j'aurais tellement aimé vous avoir tous à mes côtés. Je pense à vous très fort, même si à cette heure-ci je sais que chez vous tout le monde dort. Tout le monde dort. À savoir à qui je raconte la vérité, à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. Je raconte la vérité à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. À savoir qui raconte la vérité à son père, sa copine ou à son amant préféré. À toi, Anissa, t'aurais dû venir avec moi. Y'a beaucoup trop de lascar, je n'arrive même pas à faire mon choix. Défilé de belles voitures, tenues de haute couture. Je me suis bien incrusté, l'essentiel maintenant c'est que ça dure. Il est fou, amoureux de moi, mon héritier de premier choix. Je ne pourrais plus me défaire, j'apprécie beaucoup trop le droit de ne vouloir rien faire. Se coucher dans la soie, 24 carats brillants de tout leur feu au bout de mes doigts. Je deviens reine dans ses bras, un million de fois plus étincelant qu'une star du cinéma. Va savoir à qui je raconte la vérité, à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. Je raconte la vérité à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. À savoir qui raconte la vérité à son père, sa copine ou à son amant préféré. À toi l'homme de mes rêves, la distance et l'amour font que si loin de toi je crève. Je ne cesse de m'ennuyer, les images, les souvenirs m'aideront toujours à résister. Encore 10 jours de pluie, je ne veux même pas imaginer ce que seront mes nuits. Mais je sais que tu m'aimes et que comme moi tu saignes. Meilleures seront les retrouvailles. J'oublierai très vite ces vacances entourées de canailles. Réponds-moi vite au camping de la plage. Bungalow numéro 8. Bungalow numéro 8. Va savoir à qui je raconte la vérité, à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. Je raconte la vérité à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. À savoir qui raconte la vérité à son père, sa copine ou à son amant préféré. À savoir à qui je raconte la vérité à mon père, ma copine ou à mon amant préféré. Infidélité. Pourquoi avec tes amours, c'est jamais le même? par des pleurs. J'ai ouvert mon cœur à différents imposteurs. Je me suis méfié de ceux qui ne m'ont jamais blessé. J'ai fini par perdre ceux qui m'avaient toujours aimé. Mes distances et mes erreurs. Excusez-moi, je n'ai pas toujours su faire les bons choix.